Ensemble. On va dans Apocalypse 18, donc vous pouvez tourner là si vous voulez. Ouais, mais c'est pas moi. Je sais pas ce que tu fais ça. Mais... Je vais voir avec le temps. Là. Ça semble plus mieux. Là. Je sais pas qu'est-ce que tu fais ça. On a commencé à regarder la semaine passée la plus belle des prostituées ou la plus grande des prostituées. Cette femme dans l'Apocalypse dont on parle, qui a été la mère de toutes les prostitutions, celle qui a entraîné toute l'humanité dans la débauche spirituelle. Vous savez, pour moi, qu'une prostituée, c'est, ça l'entraîne quelqu'un dans la débauche. On peut lire dans les proverbes qu'il y avait des prostituées qui se tenaient au coin des rues et qui criaient, qui essayaient d'attraper quelques insensés. Je me souviens quand j'étais allé à Amsterdam, j'étais plus jeune, j'avais 21-22 ans dans ce temps-là. Et c'est la première fois que je voyais ça, parce qu'au Québec, on ne voyait pas ça. Mais il y avait des femmes dans des rues. Et on, moi, j'ai crié en allemand. Mais c'est pas Amsterdam. Non, Amsterdam, c'est à Munich, en Allemagne. En tout cas, un de ces coins-là. Les femmes criaient, mais je n'entendais pas ce qu'ils disaient, parce que ça parlait dans une autre langue. Il y en avait quelqu'un avec nous autres, c'était en Allemagne, parce que le gars, c'était un ancien soldat, et un Américain, puis qui avait été basé en Allemagne pour quelques années, donc il avait appelé l'Allemagne. Là, je lui ai demandé, qu'est-ce qu'il crie donc, ces femmes-là? Là, il dit, tu vois pas, il dit des petits lumières rouges sur les portes, en plus sur une porte. Oui, tu vois bien ça, ce gars-là, à chaque petit lumière rouge, il vient de temps. C'est des prostituées. Il crie. Il crie quoi? Le prix? Il charge. Il dit, c'est légal. Il dit, ici, c'est légal. Or, si longtemps qu'ils ont une profession, ils pratiquent une autre profession, mettons, un secrétaire, ou un médecin, ou n'importe quoi, ils pratiquent une profession et on doit être prostitué. C'est légal. Et donc, il essayait d'attirer les hommes, les autres femmes, à les suivre dans leur débauche. Et ici, cette femme dans l'Apocalypse, qui est appelée la prostituée, c'est aussi ce que Dieu lui reproche. Et elle n'est pas appelée seulement la grande prostituée, elle est aussi appelée la grande Babylone. Et là, devient Babel. Babel, Babylone. Babel, c'est là qu'ont commencé toutes les langues. Mais c'est là qu'ont commencé aussi les religions. Il dit, ils se sont fait une tour pour atteindre les cieux. Ce n'était pas pour atteindre les nuages. C'était pour atteindre les cieux qui étaient dans les cieux. Et Dieu leur dit, vous vous détournez de moi maintenant pour aller vers d'autres dieux. Et je vais confondre vos langages et je vais vous disperser sur la terre. C'était un châtiment, c'était une punition que Dieu leur donnait. Parce qu'ils avaient été vers d'autres dieux. Et c'est la même chose aussi qu'on va regarder, qu'on a regardé la semaine passée et qu'on va regarder aussi ce matin. C'est vous, dans le Nouveau Testament, il y a une parabole. On va lire le passage. Une grande foule s'étant assemblée et des gens étant venus de diverses villes auprès de lui, il dit cette parabole. On parle de Jésus, bien entendu. Un semeur sortit pour semer sa semence. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Elle fut foulée aux pieds, et les oiseaux du ciel la mangèrent. Une autre partie tomba sur le roc. Quand elle fut levée, elle sécha, parce qu'elle n'avait point d'humidité. Une autre partie tomba au milieu des épines, et les épines crurent avec elle, et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Quand elle fut levée, elle donna du fruit au centuple. Après avoir ainsi parlé, Jésus dit à haute voix, « Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. » Ses disciples demandèrent, « Ce que signifiait cette parabole ?» Il répondit, Il vous a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu, mais pour les autres, cela leur est dit en parabole, afin qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils ne comprennent point. Voici ce que signifie cette parabole. Donc, si on veut avoir le sens des paraboles dans le Nouveau Testament, qu'est-ce qu'il faut avoir avec nous? Oui, oui, c'est où venons Jésus avec nous ici? Les gens, vous avez déjà entendu dire des convertis, on ne comprend rien dans la Bible, c'est toutes des paraboles. Vous avez déjà entendu ça? Moi, j'ai tout le temps, c'est ça, demander à Jésus, qu'est-ce qu'il veut dire? Jésus donne toujours l'explication. Il dit, il y en a certains qui ne comprendront pas les paraboles. Il y en a d'autres qui vont les comprendre. Et ceux qui les comprennent, c'est ceux qui, c'est Jésus qui nous explique. Il nous faut l'esprit qui nous explique pour comprendre les principes des textes. Là, il dit, voici ce que signifie la parabole. Je suis rendu en haut. OK, je monte. Oups, un petit coup trop haut. Voici ce que signifie cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent. Mais le diable vient et enlève de leur cœur la parole, de peur qu'ils ne croient et soient sauvés. Ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, ils la reçoivent avec joie, mais ils n'ont point de racine. Ils croient pour un temps et ils succombent au moment de la tentation. Ceux qui sont tombés parmi les épines, ce sont ceux qui entendent. Ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent étouffer par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie. Et ils ne portent point de fruits qui viennent à maturité. Celui qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Donc Jésus ici, il dit que la parabole ou la parole de Dieu va être semée dans le monde entier. Elle va être semée partout. Il y a quatre sortes de personnes. Jésus résume les 7 milliards de la population du globe en quatre. Ting, ting, ting, ting. 5, juste 4. Il a dit, il y en a qui vont recevoir la parole, qui vont l'entendre, à travers tout de moi. En pamphlet, une Bible, la discussion, le retour, le chant, ils vont l'entendre. Mais elle ne rentre pas dans leur cœur. Elle ne fait pas d'effet. Et Satan vient, par toutes sortes de moyens, par le conjoint, par la femme, par les enfants, par la télévision. Ils viennent dire, c'est pas vrai, tu t'es fait avoir, c'est pas ça la vérité, crée pas ça, c'est un vieux livre que tu as vu des milliers de fois. J'aime ça, c'est pas assez mal ça. Et la personne va le croire. Sauf que la parole, elle ne sert plus à rien. Il y en a des millions comme ça pour eux. Il y a des millions de gens qui entendent la parole de Dieu à tous les jours, par différents moyens. Il y a juste quelque chose de fondamental. Il dit, il y en a d'autres qui la reçoivent. Et là, ils la reçoivent, puis ils sont fous de joie. Ils sont heureux de savoir la parole de Dieu. Ils la reçoivent. Ils sont contents. Puis ils vont la prêcher. Ils vont la dire à d'autres. Ils vont faire toutes sortes de choses. Ils vont à l'église. Ils vont faire toutes sortes de choses. Mais quand vient la tentation, non, on ne crie plus à ça. C'est bon, on s'est fait avoir. Tentation, ce n'était pas la tentation de 35 ans qui ne m'appartient pas, là. C'est la tentation de rejeter l'Évangile. Alors, je me souviens toujours d'un de mes frères, qui avait trouvé son foi à un moment donné, et il avait dit à tout le monde qui croyait qu'il avait été sauvé, qu'il avait été venu à quelques fois à l'église de Télérine. Et à un moment donné, il y a eu une épreuve dans sa vie. Quelqu'un qui a fait la passion pour lui et a rejeté l'Évangile. Et pendant un temps, un mois à peu près, il était convaincu qu'il avait compris l'Évangile. Tout fou de joie. Lui, ça a duré un mois. Il y en a, ça fait des années. Mais il y a des tentations qui viennent finalement, ils rejettent tout ça, ils s'en vont en arrière. Ils rejettent les mystères. Il y en a d'autres, quoi. Ils croient. Là, ils vont pousser. Pendant un temps, on va pousser ça, puis ça pousse, puis ça semble correct, puis c'est l'Évangile qui avance. Et là, il y a quoi? Les soucis de la vie, les richesses, et c'est trop des violences, les plaisirs de la vie étouffent la parole qui est là dans le cœur et ne porte jamais de fruit à maturité. Le fruit ici, c'est mon opinion, c'est pas à l'église qu'on parle. Le fruit ici de maturité, c'est de proclamer l'Évangile comme son salut personnel. De dire, je suis sauvé à cause de Jésus. on glorifie Dieu pour notre salut éternel. Ce n'est pas la sainteté chrétienne qu'on parle ici. Mais abandonne finalement la vérité. Et les autres qui reçoivent la bonne dans la bonne terre, et les autres qui portent du fruit à maturité avec, c'est quoi le mot? Avec persévérance. Les trois autres ont lâché. Je pars. Il y en a un qui persévère, un sur quatre. Alors, je ne pourrais pas dire là, que c'est la moyenne, que Jésus a donné un chiffre pour qu'on commence à compter. Non. Mais on voit qu'il y en a beaucoup qui vont faire ce qu'on appelle des fois des professions de foi. Il n'y a pas beaucoup qui se rendent dans l'autorité et qui portent du fruit avec persévérance. Moi, depuis 30 ans, c'est tous les gens qui ont fait une profession de foi dans les églises que j'ai travaillé avec, qui se rendent encore dans les églises, il y en arrive du monde dans les églises. Ce sont plus d'autres, c'est tout ça dans les églises. Pourquoi je compte ça ce matin? C'est parce que, on va voir dans le chapitre 18 que Dieu s'adresse à l'Église, parce que je vous l'ai dit, je vais vous le répéter, l'Apocalypse, ça a été écrit à l'Église. Ça n'a pas été écrit aux inconvertis. Et Jésus veut parler à son peuple, à l'Église, en tout cas, ce qui s'appelle l'Église, du moins. On le voit, il adresse son livre à sept églises particulières en Asie, et il leur dit cela. Il leur parle, il les exhorte, il les encourage, il les reprend. Il leur dit à six d'entre eux, « Repends-toi. Si tu ne te repends pas, c'est fini pour toi. C'est fini pour toi. » Il leur dit pas, « Tu vas avoir une moins grosse récompense. Peut-être pas à travers ça. » Il leur dit, « C'est fini. » Il leur dit, « Je vais te combattre avec l'épée de ma bouche, avec ceux qui m'ont rejeté. Je vais te vomir dans la bouche avec les autres. Je vais te détruire avec les autres. C'est fini pour toi. Je vais t'enlever ton champ de l'huile. C'est fini. » Tu n'auras pas le droit à l'arbre de vie, tu n'auras pas le droit à toutes ces récompenses-là que je vais donner à ceux qui vont, comme dans la parabole, persévérer jusqu'à la fin malgré tout ce qui arrive. Tu n'auras pas le droit à ça. Et une des choses qu'on va voir, ce matin dans ce sujet, avec les fausses religions dans la Bible, ou les faux prophètes, ou les faux docteurs, souvent, il y a une chose qui est attachée avec. C'est quoi? Pour reconnaître un faux d'un vrai, ou d'une fausse religion d'une vraie, il y a toujours quelque chose d'attaché à une. Il n'y en a pas juste une, mais il y en a une, principalement dans le Nouveau Testament. Dans l'Ancien aussi. L'argent. Ils sont toujours poignés avec l'argent. Il y a toujours quelque chose qui les lie. Et Jésus dit dans Matthieu 6, tu ne peux pas servir deux maîtres. Il va falloir que tu décides un jour ou l'autre entre Dieu et Mammon, qui est le Dieu de l'argent ou de la richesse. Il va falloir qu'il dise que tu te décides. Mais tu ne pourras jamais avoir les deux. Dans Luc 16, 13, c'est quelqu'un qui veut lire ça. Soit que tu aimes Dieu et que tu aies l'argent, soit tu aies l'argent et que tu aimes Dieu. Mais tu ne peux pas faire les deux. Prenez garde à vous-même de craindre que vos cœurs ne s'appesantissent avec les excès du manger et du boire par les soucis de la vie et que ce jour ne vienne à vous surprendre à l'improviste. Peut-être pas dans le passage, Jésus parle de son retour. Il dit attention que les choses de la vie ne viennent à vous détourner et que le retour du Seigneur vous prenne à l'improviste. Dans 1 Timothée 6, 9 et 10, quelqu'un veut lire? Dans le contexte, Paul s'adresse à Timothée et il parle des gens qui sont dans l'Église, il ne parle pas des gens qui sont en dehors. Il y a des gens dans l'Église qui se sont détournés de la foi par amour pour l'argent. Dans 2 Timothée 4, 10, car donc, Démas m'a abandonné. Démas était un croyant avec Paul. Il dit, m'a abandonné pour l'amour du siècle présent. Paul, en disant ça, je crois qu'il est en train de parler que Paul, que Démas a abandonné la foi. Il faut aller vers, des fois, ce que nous, on a appelé dans notre jardin, dans le souvent, il est retourné dans le monde. Il est retourné en arrière. Son ancienne vie. Et dans 1 Jean 2,15, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Oups, ça me semblait, François. Avez-vous déjà entendu parler de la simonie? Simone, le frère de la Simone, là, c'est bon ça. Là, c'est la sœur à Simone, peut-être, mais c'est la simonie. Mais Simon le magicien. Qu'est-ce que c'est qu'il y avait avec Simon le magicien? Il a voulu utiliser l'argent ou la religion pour faire de l'argent. Il a vu Pierre imposer les mains à des gens, puis ils ont reçu cet esprit. Et là, quand il recevait cet esprit, il parlait en langue, il y avait des choses qui se passaient. Et Simon dit à Pierre, moi, si tu veux, il m'a donné ce pouvoir-là. Et Pierre le regarde et dit, oh, que t'es mal pris, mon gars. Je pense que t'as pas peur de ce qui se passe tout de suite. Si tu crois qu'on peut acheter les choses spirituelles, je pense que tu n'as pas peur de ce qui est en train de se passer. Et Pierre dit, je vais prier pour toi. Et là, Simon dit, prie pour moi. Et Pierre dit, je ne sais même pas si Dieu peut te sortir de ce que tu es en train de faire. C'est tellement mal pris, il est pris dans un fiel amer. Et de là est venu de son mot, Simon, son nom, la simonie. Utiliser l'argent pour faire la religion ou les choses spirituelles pour s'enrichir. Ceux qui ne comprennent pas l'anglais, vous n'avez pas compris la joke, là, mais si monnaie voit de l'argent, si monnaie voit, je pense pas. J'ai jamais entendu le mot, jamais pensé en anglais comment tu as dit ça, ça serait intéressant d'aller voir dans le dictionnaire comment tu aurais dit ça. Et les religions dans le monde ancien, vous remarquerez qu'ils font la même erreur. Les religions sont là pour l'argent. Je me souviens plusieurs années en arrière, j'avais écouté une émission. Je ne sais pas qui m'avait appelé, mais François, regarde le poste de télévision. Il y avait une émission, ça s'appelait « Si vous voulez devenir riche, partez des églises baptistes. » C'est aux États-Unis que ça se passait. « Si vous voulez devenir riche, partez des églises baptistes. » Je me suis dit, comment ça que ça passe à la télévision? Où est-ce que ça devient ce moment-là? On peut bien dire que c'est pas vrai. Mais à quelque part, il y a l'animal. Mais sûrement, ça, comment est-ce qu'on dit, il n'y a pas de boucan, ça? Peu. À quelque part, il y a des gens qui ont vu, oups, le monde-là, il s'enrichit d'une façon quelconque. Ou ils utilisent l'argent pour s'enrichir. Et vous allez entendre des fois des gens qui ont été arrêtés, des gens qui ont été ici, des gens qui se sont fait adopter, qui ont été payés par la police, qui ont détourné des fonds, des pièces, des églises, tout ça. J'ai vu, moi, dans une église, là-dessus, je suis allé travailler, le trésorier détourné 25 000 piastres du compte de l'église pour en aller avec ça. C'est pas pour vous expliquer, ça. Qu'est-ce qui est le plus important pour lui? Dieu dit dans l'Apocalypse à l'église de Laodicée, il dit, tu te crois riche, mais tu es pauvre. Ils achètent de moi de l'or purifié, parce que sans ça, je vais tourner mon bouche. Donc, elle nous dit ce qui était riche. Jésus nous dit, tu es mal enrichi, tu n'as pas eu les bonnes richesses dans ta vie. Et on va voir ce principe ce matin dans l'Apocalypse 18, que Dieu va juger la grande prostituée parce qu'elle a enrichi les gens de la terre. Elle a enrichi. C'est la mère de toutes les religions du monde et elle va être jugée et condamnée et détruite par Dieu parce qu'elle a enrichi les gens de la terre. on a vu que la première raison pourquoi elle va être détruite, c'est qu'elle a débauché les habitants de la terre spirituellement parlant. Elle s'est enivrée du sang des saints, c'est-à-dire qu'elle a fait la guerre aux chrétiens à travers l'histoire de l'Église. Elle va aussi être détruite parce qu'elle a fait une alliance avec la bête, qui cette bête-là a fait une alliance avec le dragon. Le dragon, c'est Satan. Donc, à cause qu'elle est liée à la bête, elle est liée aussi au dragon. Et Dieu va détruire le dragon, il va détruire la bête, il va détruire aussi la prostituée. Ça va tout passer ensemble. Et ce matin, on va voir qu'il va détruire cette femme, cette prostituée, ou cette grande ville, ou cette grande Babylone, parce qu'elle a enrichi les gens de la terre. Donc, ça fait longtemps que je dis qu'on va aller dans l'Apocalypse 18. On y va. On y va. Après cela, je dis, on va le lire tranquillement. Vous allez voir, ça va devenir évident. Remarquez bien, tout ce qui est par rapport à l'argent, à la grande Babylone prostituée, les gens de la terre, ça va être facile à voir, vous allez voir. Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité, et la terre fut éclairée de sa gloire. Il cria d'une voix forte, disant, « elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux. Parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de sa débauche, parce que les rois de la terre se sont livrés avec elle à la débauche, et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. » Et le mot luxe, des fois, il veut dire impureté spirituelle, mais ici, il parle d'argent. Parce qu'on parle d'être enrichi. Les marchands se sont enrichis. Puis j'ai entendu du ciel une autre voix qui disait, « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés, que vous n'ayez point peur à ses fléaux. » Intéressant, hein, ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit? « Sortez du milieu d'elle, mon peuple. » Pourquoi est-ce qu'il dit ça? Est-ce que ça s'adresse à nous, au 20e siècle? Est-ce que c'est pour nous aussi aujourd'hui? Pourquoi est-ce que Dieu a-t-il écrit ça à l'Église de ce temps-là? Mon peuple sort du milieu de la grande Babylone. On est obligé de prendre ça du côté spirituel, parce que on peut voir ça du côté physique. Il y en a qui appellent ça du côté physique, hein? J'ai rencontré un homme un jour qui enseignait la Bible à bien du monde et leur dit, sortez des grandes villes. Vous ne pouvez pas rester dans les grandes villes parce qu'ils vont détruire les grandes villes. Ils vivent en campagne. Ils vivent tout en campagne avec ses adeptes. Il y a parti des communes en campagne, parce que dans la grande ville, elle va détruire la grande ville de Babylone. Il applique ça à toutes les grandes villes dans le monde. Moi, je sais très bien que c'est pas ça qui parle. En tout cas, si c'est ça, tu parles à mes collègues, on t'en montre en fait. Vous autres, vous allez à Montréal, faites attention à vous autres, les grands. Les deux messieurs, de madame que là, attention. non, hein, c'est pas ça que ça parle, on le sait que c'est pas ça que ça parle. On parle de la ville spirituellement parlant, de cette grande Babylone-là. Et spirituellement. Car ses péchés se sont, au verset 5, ses péchés se sont accumulés jusqu'au ciel, et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Payez-la comme elle a payé, et rendez-lui un double de ses œuvres, dans la coupe où elle a versé, versez-lui le double. Autant elle s'est glorifiée et plongée dans le luxe, autant donnez-lui tourment et le deuil, parce qu'elle dit en son cœur, je suis assis en reine, je ne suis point veuve, et je ne verrai point le deuil. À cause de cela, en un même jour, ces fléaux arriveront, la mort, le deuil et la famine, elle sera consumée par le feu, car il est puissant le Seigneur Dieu qui l'a jugé. Et tous les rois de la terre qui sont livrés avec elle à la débauche et au luxe pleureront et se lamenteront à cause d'elle, car ils verront la fumée de son embrasement. Se tenant éloignés dans la crainte de son tourment, ils diront, malheur, malheur, la grande ville Babylone, la ville puissante, en une seule heure est venue ton jugement. Et les marchands de la terre pleurent et sont dans le deuil à cause d'elle, parce que personne n'achète plus leur cargaison. Cargaison d'or, d'argent, de pierres précieuses, de perles, de fin lin, de pourpre, de soie, d'écarlate, de toute espèce de bois de senteur, de toute espèce d'objet d'ivoire, de toute espèce d'objet de bois très précieux, en airain, en fer et en marbre, de cannelle, d'aromates, de parfums, de myrrhe, d'encens, de vin, d'huile, de farine, de fine farine, de blé, de bœuf, de brebis, de chevaux, de chars, de corps, d'âme, d'hommes. Le fruit que désirait ton âme sont allés loin de toi, de toutes choses délicates et magnifiques, sont perdus pour toi, et tu ne les trouveras plus. Les marchands de ces choses qui se sont enrichis par elles se tiendront éloignés dans la crainte de son tourment, et pleureront et seront dans la deuil, et diront, malheur, malheur, la grande ville qui était vêtue de fin lin, de pourpre et d'écarlate, parée d'or, de pierres précieuses et de perles. En une seule heure, toutes ces richesses ont été détruites. Et tous les pilotes, tous ceux qui naviguent sur ce lieu, les marins et tous ceux qui exploitent la mer, se tenaient éloignés et ils s'écriaient en voyant la fumée de son embrasement, quelle ville était semblable à la grande ville. Ils jetaient de la poussière sur leur tête, ils pleuraient et ils étaient dans le deuil, ils criaient et disaient, malheur, malheur la grande ville, malheur, malheur, la grande ville, où se sont enrichis par son opulence tous ceux dont les navires, qui ont des navires sur la mer, et une seule heure, elle a été détruite. Le ciel, réjouis-toi sur elle, et vous les saints, les apôtres, les prophètes, réjouissez-vous, car Dieu vous a fait justice en la jugeant. Alors un ange puissant prit une pierre semblable à une grande meule, et la jeta dans la mer, en disant, « Ainsi sera précipité avec violence Babylone, la grande ville, et on ne la trouvera plus. Et on entendra plus chez toi le son des joueurs de harpe, de musiciens, des joueurs de flûte et des joueurs de trompette. On ne trouvera plus chez toi aucun artisan d'un métier quelconque. On n'entendra plus chez toi le bruit de la meule. La lumière et de ta tente ne brillera plus chez toi. Et la voix de l'époux et de l'épouse ne sera plus entendue chez toi, car tes marchands étaient de grande affaire. Et toutes les nations ont été séduites par tes enchantements. Ils n'ont trouvé chez elles le sang des prophètes, des saints et de tous ceux qui ont été égorgés sur la terre. » Il est facile de voir, juste en le lisant, qu'on parle que la grande prostituée, la grande ville de Babylone, a gagné les gens à sa cause en les enrichissant. Vous savez, quand on parle d'une prostituée, qui paye d'habitude? Le client ou la prostituée? Le client qui paye. Le client qui paye. Et ici, dans le passage, c'est la prostituée qui paye. Et si on avait le temps de lire un passage dans cet testament, Dieu parle à Israël, il dit, tu t'es prostitué, mais il dit, au contraire de la prostituée, c'est toi qui payes tes amants pour qu'ils viennent à toi. Tu te prostituer avec. Il dit, toi, tu as fait gagner de l'argent aux gens de la terre, aux riches de ce monde, aux marchands de ce monde. Et c'est pour ça qu'il t'aimait. C'est pour ça qu'il te chérissait. C'est pour ça qu'il faisait affaire avec toi. Mais je vais te détruire. Tu les as entraînés dans ta débauche, tu les as séduits par ce que tu pouvais leur donner. Je me disais cette semaine, la plupart des religions dans le monde, je ne sais pas, toutes les religions de ce monde, donnent des choses à leurs adeptes pour les attirer. Donnent des choses à leurs adeptes. Les religions du monde achètent, teignent les gens de l'homme. Ils leur promettent des choses pour que les gens aiment. Ils leur vendent des choses en échange. Si tu me donnes ça, je vais te bénir de telle façon, je vais te bénir telle affaire, Je vais te suivre, on va parler avec le chef religieux, je dis, votre religion, elle est faite pour les riches, parce que tu vas toujours payer. Tu vas toujours payer pour avoir. La question que je me suis posée cette semaine, c'est pourquoi pratiquons-nous la foi? Quelle est notre raison de pratiquer la foi? Pourquoi est-ce qu'on est? Aujourd'hui, même dans le monde évangélique, on parle beaucoup de prospérité. Si on est des croyants, on va être prospère. Si on a la foi, Dieu va nous bénir, on va être prospère. Si on a la foi, on va être en santé. Si on a la foi, on va avoir ceci. Si on a la foi, on va avoir cela. Si on prie, Dieu va nous donner ceci. Si on prie, Dieu est là pour nous servir. Dieu est là pour nous prendre soin de nous. Dieu est là pour nous protéger. Pourquoi est-ce qu'on est là? Quelle est la raison pour laquelle on est venu des croyants? une grande question, ça, hein? Très grande question, très importante question. Pourquoi tu m'en dis? Sommes-nous là pour nous? Qu'est-ce que nous sommes là pour nous? J'étais au salon funéraire, j'ai rencontré un homme là qui était un croyant. Son sujet favori, c'est le retour au Seigneur. Il a commencé à me partager des choses par rapport au Seigneur. Et là, je lui dis, écoute, c'est pour ça que tu me parles. C'est toi qui vas te bénéficier de retour au Seigneur. Tu es là encore pour toi? Est-ce que tu as hâte que Jésus revienne pour toi? C'est une question importante. Pourquoi est-ce qu'on a hâte? Juste parce qu'on veut sortir de notre misère, de nos difficultés. Je dis, ça ne serait pas mieux qu'on allait être out au retour du Seigneur, pour le Seigneur, pour lui, parce que lui va être glorifié, parce que lui va être exalté, parce que tous les saints vont l'adorer, parce que le monde va être détruit dans le sens de mal, va être détruit, les blasphémateurs, ses ennemis vont être détruits, et on se réjouit parce que lui va être exalté. Ou voyons, on est là, oh, j'espère que ça va revenir, en tout cas, on ne souffrira pas, puis Dieu va nous protéger, puis tous ces malheurs-là qui vont arriver sur la terre, nous autres, ça ne touchera pas les chrétiens, on est centrés sur nous-mêmes. Sommes-nous différents des autres? Pourquoi sommes-nous là? C'est important parce que tout au long du Nouveau Testament, il nous encourage à faire belle attention à nos motifs dans la vie chrétienne. Pourquoi est-ce qu'on est là? Si on n'est pas là pour Dieu, on s'est fait acheter. On s'est fait acheter. Si on est là pour nous autres, parce que nous autres, on veut ci, puis nous autres, on veut là, puis nous autres, on va aller au ciel, puis nous autres, on veut ci, puis nous autres, on veut ci, puis nous autres, on veut ça. Dieu est là pour nous protéger. C'est bon d'évaluer nos propres vies de prière. Qu'est-ce qu'on fait? On a toujours demandé à Dieu de faire des affaires pour nous autres, ou on se soucie de faire quelque chose pour Dieu? Parce que les religions sont toutes là pour leur projet. Ils sont toutes là pour leur projet. Ils payent, ils donnent. Sacrifient, ils font souffrir, ils font n'importe quoi, parce qu'ils veulent quelque chose. Ils veulent quelque chose. Il y a quelque chose qui n'est pas Dieu. Et souvent, je dis à des gens, si tu ne trouves pas Dieu, c'est parce que tu ne l'as pas cherché, parce que Dieu a dit, quiconque me cherche, me trouve. Mais il n'a pas dit quiconque cherche qu'est-ce que je peux lui donner pour me trouver. Mais il dit quelqu'un me cherche moi et me trouvera. Vous savez, la vie chrétienne, mes frères et sœurs, ça se résume à une chose, moi et tu, la relation avec Dieu, c'est tout seul. Si c'est pas ça, ce n'est pas la vie chrétienne. Et Dieu n'est pas là pour nous. Nous sommes là pour Dieu. Et c'est sûr que les religions du monde, avec les amis, se détachent, s'en vont. Souvent, ça va commencer comme ça, et tranquillement, le cœur va transparaître avec les amis. Et là, tranquillement, les soucis sociaux, puis l'amour de l'argent, les richesses vont prendre le dessus, et finalement, ça s'en va. Moi, j'avais déjà entendu l'histoire quand il y avait des gens qui vivaient sur leur côte, sur le bord de la mer, tu sais, là, sur le bord de la mer. Et en tant que village, ils ont vu des bateaux, souvent des bateaux venaient s'échouer, là. Et pour le monde tombe, tu sais, les bateaux se brisent, les gens se noient. Ils ont ouvert un club de sauvetage, pour sauver ces gens-là. Fait qu'ils ont commencé à avoir des cabane sur le bord, là, il y avait un bateau, tout le monde sautait à l'eau chaloupe, puis allait chercher les gens, les amener sur le bord pour les sauver. Puis ils prenaient soin des autres, puis les amener, puis ils secouaient. L'histoire dit qu'avec le temps, c'est devenu des gros clubs sociaux. Et là, c'était le plus important, c'était plus d'avoir une cabane, d'avoir un gros club social, bien riche, mais d'avoir des beaux gros bateaux. Là, il y avait de la musique, puis on mangeait. Là, les bateaux s'échouaient, puis les gens s'en occupaient. qu'il y en a qui partaient du petit club social, du gros club social, ils descendaient 4-5 km, puis l'eau de la grève, ils partaient un autre petit affaire, tout petit, tout gros, puis là, ils s'occupaient eux autres à leur tour. Mais avec les amis, ils faisaient une grosse protestante des autres. Il n'est pas l'Église qui a fait la même chose. Quand vous étudiez l'histoire de l'Église, c'est l'Église qui a fait la même chose. C'est pour ça que l'Église meurt. L'Église, le Seigneur ne meurt pas. C'est l'Église meurt. Ils font 100 ans, 150 ans, pas 200 ans. Vous allez dans leur bâtiment, les beaux gros bâtiments, il n'y a plus d'évangile. Ils sont morts. Monsieur, là, votre travail avec les professeurs, c'est souvent. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça aille trop au Québec? Le Seigneur, il dit dans le verset 4, c'est pour nous autres, hein, il dit, mon peuple sort du milieu. Sort du milieu. Et si vous lisez les églises, les sept églises, vous allez voir que 6 d'entre elles, ou 5, peut-être 5, 6, ils sont déjà avec la grande. Hein. Il dit, il y a parmi vous des gens qui enseignent même des doctrines de démons. Il y en a qui se sont attachés à Balaam. Il y en a qui pratiquent des doctrines des Nicolaïtes. Il y en a qui disent, tu passes pour être vivante, mais t'es morte. À l'autre, tu t'enrichis, mais je vais vomir de ma bouche. Même l'Église, après 60 ans, après la mort de Jésus, était déjà rendue à une place que l'Église était en grand problème spirituel, et Dieu est obligé de lui dire, change, parce que t'es fini. Juste 60 ans après. Donc, je crois que nous, en tant qu'individus et en tant qu'Église, il faut toujours s'évaluer. Est-ce qu'on est là pour Dieu? Est-ce que je vis la vie chrétienne pour Dieu? Est-ce que je vis ma vie pour Dieu? Aussi, je demande à Dieu de venir m'aider dans ma vie. Vous voyez la différence, hein? Ma vie, c'est pour Dieu. Et non pas Dieu est là dans ma vie pour m'aider moi. C'est une grande différence. Je crois qu'il faut s'évaluer en tant que des chrétiens, en tant qu'Église, continuellement, voir où est-ce que je suis rendu. Où est-ce que je suis rendu? Parce que c'est pas important de commencer la course. C'est important de l'être. Il dit au verset 20, persévère jusqu'à la fin. Parce qu'il dit, un jour, je vais te faire justice, je vais détruire la grande ville, je vais détruire la prostituée. Si tu en fais partie, je vais te détruire avec. C'est bien certain que ça veut dire. Et il dit, sors du milieu, ça veut dire que maintenant, vis pour moi, attache-toi à la vérité, proclame la vérité. Parce que si tu ne sais pas, c'est toi qui as le droit. Je crois que pour nous, en tant que chrétiens, ça va lui personnellement, mais aussi en tant qu'Église, de transmettre à la génération qui va nous suivre la réalité de la vérité. Il ne faut pas juste leur transmettre des bons signes. Une organisation, une structure pour leur transmettre la vraie sens de la vie. C'est une solution pour lui, pour le servir, pour le connaître. Avec tout ce que nous avons. Oh, ouais, c'est une petite manière à nous de le faire. Mais c'est que de nous doit savoir dire, est-ce que je suis là pour lui? Et on, notre Père du ciel, nous encourage ce matin. J'exhorte ton Église, il y a des milliers, à sortir du milieu de la grande ville et s'attacher à toi, s'attacher à ton Fils, s'attacher à la vérité proclamée, s'attacher à l'Évangile proclamé par les saints apôtres, par les prophètes du Nouveau Testament. Qu'on puisse s'encourager les uns les autres, s'exhorter les uns les autres, qu'on puisse s'instruire les uns les autres, afin qu'on puisse rester toujours dans le chemin, avec persévérance. Garde-nous de tomber dans le piège du luxe, ou de travailler pour le luxe, ou de vivre le luxe, et encore plus, d'utiliser toi pour avoir encore plus de luxe. Protège-nous de cette folie. C'est au nom de Jésus que nous te prions. Amen. OK, on se lève et on va chanter un dernier cantique, si vous voulez bien.